Le larron à Henri. Un vieux Noël. Le silence retombe avec l'ombre. Écoutez, qui pousse ses clameurs? Qui jette ses clartés? Victor Hugo, La ronde du sabbat, Odes et ballades. Le vent d'hiver fait rage. Son souffle puissant pourchasse dans le ciel les lourds nuages, balaye la vaste plaine, s'engouffre en hurlant dans les vallées, entoure les collines d'une longue caresse sifflante. En haut du coteau, il empoigne les châtaigniers centenaires, dépouillés de leurs feuilles jaunies, secoue leurs sommets en tous sens, entrechoque leurs vieilles branches noires, les fait craquer et gémir plaintivement. Il ébranle la porte mal jointe de la chaumière solitaire, comme si, irrité de l'obstacle, il était impatient d'entrer. Mais subitement lassé, il s'apaise, il se tait, il laisse la nuit redevenir sereine, les étoiles scintiller dans le ciel nettoyé, les arbres se redresser, et grave, élever dans l'ombre leur immobile silhouette. Puis reposé, il repart, il reprend ses courses folles et sa grande clameur. Tout est paix et silence en ce moment dans la petite maison. L'ennemi invisible, insaisissable, qui tout à l'heure semblait se ruer sur elle, s'est éloigné. Le susurrement d'une tige de fagot trop verte brûlant dans la cheminée, grande comme une alcôve, accompagne en sourdine le tic-tac d'une haute pendule de noyer. Une chandelle de résine, passée dans un anneau de fer fixé à l'âtre, vacille au courant d'air et fait couler ses larmes d'ambre par terre. Sa lumière tremblotante, falote, éclaire les traits purs, émaciés par la souffrance, fatigués et brunis par le rude labeur des champs d'une paysanne encore jeune, vêtue de noir, assise près du feu sur une chaise basse. Sa fine tête est alourdie par le fichu de mérinos des veuves, attaché en rond autour de son chignon serré, laissant à découvert les bandeaux réguliers de ses admirables cheveux bruns, rudes et épais. Un corsage à basque, tout uni, couvre son buste plat, affranchi du corset. Une ample jupe, très foncée, tombe de ses fortes hanches, au mouvement rythmique, jusqu'à ses pieds chaussés de sabots. Debout, devant elle, un petit garçon, un blondin aux yeux bleus très doux, enlève d'un air boudeur, le plus lentement qu'il peut, l'un après l'autre, sa blouse de futaine, ses culottes de drap épais, son gros gilet tricoté. La jeune femme les plie avec soin et les pose sur un coffre de bois près d'elle. On aperçoit vaguement, dans le fond de la chambre, outre l'horloge de bois, un lit aux rideaux à carreaux bleus et blancs. À droite, une armoire à linge en chêne luisant et une antique huche à pain. À gauche, un vieux vaisselier rempli d'assiettes et de plats à fleurs, sur lesquels se reflète la flamme dansante du foyer. Maintenant, l'enfant n'a plus que sa chemise de toile blanche trop longue, sa première chemise de grand garçon dont il est très fier. Le feu rougit ses vigoureuses jambes brunes, toujours nues, et ses petits pieds nerveux. « Allons, Yanoulet, dit la mère d'une voix douce, dépêche-toi donc, fais vite ta prière et au lit. »« J'ai pas sommeil. » « Tu dis cela, mais dès que tu auras la tête sur le traversin, je t'y mise un caillou bien chaud. »« Je me retournerai un grand moment avant de m'endormir. » « Il est 9h30, c'est tard pour un enfant de ton âge. »« Les enfants de mon âge vont à la messe de minuit, Péroulin et Yantin et Joseph de la Borde. »« C'est possible, mais tu sais bien que toi, tu n'es pas assez fort. »« Ça te fait toujours du mal de veiller. »« De plus, nous devons aller voir ta grand-mère à Annay demain. »« C'est loin. » « Que dirait-elle si tu avais l'air fatigué ? Elle croirait que je ne te soigne pas bien. »« Mais c'est de dormir trop, au contraire, qui me rend malade. »« Ne dis pas de bêtises. Et puis ce soir, les chemins sont glissants pour descendre au village. Le vent est si fort qu'il te renverserait, et si froid qu'il te percerait jusqu'aux os. Sûr, tu attraperais du mal. »« Allons, mon Yanoulet, ne fais pas le méchant, va te coucher. Si c'était possible, tu le sais bien, je te céderais. » Je ne veux rien tant que de te faire plaisir. Tu iras à la messe de minuit l'année prochaine. Il te faut manger encore un peu de soupe, vois-tu, avant de devenir grand et gros. Alors, si je suis petit, prends-moi sur tes genoux et raconte-moi une histoire comme autrefois. Petit, petit, pas tant petit que cela, tout de même. Tu as 10 ans. À 10 ans, on est presque un homme. À 10 ans, ton pauvre père était déjà en condition et gagnait sa vie. Il allait à la messe de minuit. Peut-être. Tu vois bien, moi, je peux toujours rester petit, être toujours ton île-eau, petit-fils. Loup pourricot de maman, petit poussin de maman. En disant cela, Yanoulès était glissé sur les genoux de sa mère. Il entourait sa tête de ses bras déjà robustes et la serrait avec force. Lâche-moi, dit la veuve, tu m'étrangles. Ah, coquin, comme tu sais bien t'y prendre, comme tu sais me faire faire tout ce que tu veux. Mais si je te cède, promets-moi au moins d'être plus sage, plus attentif en classe. Le maître m'a dit encore hier que tu n'écoutes pas, que tu restes les yeux en l'air, comme un innocent, au lieu de le regarder lui ou ton cahier. Promets-moi de bien faire tes devoirs, d'apprendre tes leçons, et non pas de t'échapper pour aller dénicher les oiseaux, ou voler des fruits avec Péroulin, ce qui est très laid. Il t'entraîne toujours au mal, ce polisson-là. Il faut l'envoyer promener, lui dire de te laisser tranquille, que si lui veut faire le mauvais sujet, toi, tu ne veux pas. Oui, mais Béraille, jolie mère, je le lui dirai, sois tranquille. C'est que, vois-tu, moi, Miko, petite amie, je n'ai que toi au monde à aimer, que toi pour m'aider et pour me donner du contentement. Si tu savais comme cela me peine quand tu fais le mal, tu es tout pour moi. Et puis je sens si bien qu'il faudrait un homme pour te montrer comment faire. Je ne sais que t'aimer et te soigner, moi. Je n'ai pas le courage de te battre et de te punir. Tu ne m'en feras pas repentir, dit Il-Ho de bon cœur. Tu marcheras droit comme ton pauvre père. Oui, Maï, tu verras. Il faut d'abord te dépêcher d'apprendre à écrire et à compter, faute de quoi tu te laisserais voler plus tard par les gens de la plaine qui sont si rusés. Puis quand tu sauras, tu m'aideras à bêcher le jardin, à labourer le champ et à soigner les bêtes. Bien est besoin d'un homme pour tout cela. Les ouvriers, vois-tu, ça travaille très peu et ça coûte très cher. C'est la ruine des maisons, toi, tu seras le maître. Oui, et l'histoire? Sens-tu la chaleur du feu sur tes pieds, les pieds du petit enfant de maman qui est devenu un gros garçon méchant? Es-tu bien là? Comme tu es grand et lourd maintenant, j'en ai plein les bras de toi, comme lorsque je porte une belle gerbe de blé. Allons, raconte, il y avait une fois. Ah, petit Cadbourut, il y avait une fois un vilain enfant gâté qui faisait faire bien du mauvais sang à sa pauvre mère qu'il n'aimait pas. Ce n'est pas vrai, je t'aime. Bien sûr? Sûr comme tu m'aimes, toi. Comme je t'aime, moi, c'est pas possible. Mais si je croyais que tu m'aimes seulement un peu. Tiens, fais-moi encore un poutou. Prends ma capuche que je t'enveloppe, tu te refroidirais, là. Commençons. Quelle histoire veux-tu? Celle de la Téricole, d'abord. Bien, je n'ai pas besoin de te demander si tu la connais, la Téricole. Tu n'y vas que trop, malgré ma défense. Il ne faut pas être bien fin pour comprendre que ce n'est pas un endroit comme tous les autres. Quand arrivé au haut du coteau, on quitte la mauvaise route, bordée de châtaigniers, si vieux que les anciens d'ici ne se souviennent pas de les avoir vus plantés. Le chemin d'Henri IV? Pourquoi qu'il s'appelle comme cela? Parce que le roi, dit-on, y passait lorsqu'on s'en venait de Pau pour aller à son château de Coroaz, embrasser sa mère nourrice. Quand donc, au lieu de continuer devant soi, on tourne à main droite, on trouve un grand champ de touillasses. Ajoncs nains. Joli à voir de loin, quand il est en fleur, mais méchant à qui veut s'en approcher. Tu sais comment il pique les pieds et les jambes nues des petits garçons désobéissants? Des serpents sont cachés là-dedans. Aucune fleur n'y pousse, excepté sur les bords le safran violet, la fleur des trépassés qui vient à la Toussaint pour les morts, dont les tombes sont abandonnées, que l'on dit. De ce terrain, on voit toute la plaine, tous les villages. Angaïs, notre église, est le cimetière où ton pauvre père est enterré. Béouste, avec son clocher pointu qui sort des arbres. Et de l'autre côté du Gave, qui a l'air tout en vif argent, Boilt, Bizeng, Assat. Enfin, derrière, encore des coteaux et des villages et des montagnes, que les étrangers trouvent si jolis. Paraît qu'il n'y en a pas ailleurs d'aussi belles, mais à force de les voir, nous autres, nous n'y faisons plus attention. De là, on aperçoit la fumée de toutes les chaumières. On voit passer sur les routes tous les chars, toutes les voitures et les chemins de fer qui semblent un serpent. Tu comprends si, à l'idée des esprits, c'est là un bon endroit pour examiner le pays. pour suivre les mouvements des habitants de la plaine, pour les guetter, les pister. Aussi, de tout temps à jamais, il a été le rendez-vous des hades, fées, et des brouches, sorcières. Il est hanté, il y en a qui l'appellent le camp de César, et qui disent qu'autrefois, il y a très longtemps de cela. Oui, oui, je sais, le maître nous l'a expliqué. César, c'était un capitaine romain. Il avait pris le pays et mis un camp à la Terricole. Pour bien se cacher avec ses soldats, il avait fait faire le talus et le fossé qui est derrière. Tiens, juste là où est le calvaire maintenant. Mais quand était-ce ça? Pas au moins du temps de ma mère, ni de ma grand-mère. Personne aussi ne s'en souvient. C'était bien avant. Du temps de la reine Jeanne, alors? Non, pas plus avant encore. Bah, tu crois cela? Ça m'a l'air d'être des histoires que l'on dit pour faire venir les étrangers, et pour leur tirer de l'argent en leur montrant le chemin. Moi, je m'en méfie. Le sûr, par exemple, c'est que dans le vilain bois sauvage qui est après, demeurant les Brouches et les Hades, tout le monde dans le pays te le dira. Ma mère et ma grand-mère, que j'ai perdue trop jeune, hélas, en avaient vu toutes les deux. Aucun chrétien n'oserait y passer quand le soleil s'est couché. D'ailleurs, il n'y a qu'à aller voir, même en plein jour, il y fait si sombre au sortir du champ que cela donne peur. Des bêtes courent partout, des crapauds gros comme ton béret, des serpents longs comme cette aiguillade, aiguillon monté sur un long manche qui sert à piquer les bœufs pour les faire marcher. Des araignées grandes comme la main d'un enfant, qui font leur toile d'un arbrisseau à un autre. On entend des cris de chouettes, des sifflets, des plaintes, des gémissements. Les arbres, tant qu'il y en a, se touchent presque. Ils poussent là des génévriers et des buis énormes, comme l'on n'en voit que dans le parc du roi Henri, à Pau, et sur le haut des montagnes sauvages. Des ronces méchantes s'accrochent aux branches et retombent partout, griffant ceux qui s'en approchent. La mousse, une mousse presque noire, tant elle est serrée, empêche d'entendre marcher. L'air pesant et chaud, comme dans les maisons, des riches, peut à peine passer. Ce sont les hades qui ont tracé le petit sentier droit qui va à travers les fougères. Quand la lune brille, il paraît blanc et fin comme le fil de ma quenouille. C'est par là qu'elles arrivent toutes, à la suite l'une de l'autre, à minuit. Les jolies hades dans leurs robes qu'on dirait tissées avec des fils d'araignée, couleur de la brume du matin. Leurs pieds touchent à peine la terre. Autour d'elles les brouches, ces laides tournent en faisant des grimaces à cheval sur une racine de buis. Elles font alors leur sabbat qu'on appelle, que c'est un tapage d'enfer. Dès la fine pointe du jour, tout ce monde disparaît. Les hades s'enlèvent ensemble, se perdent dans l'air, pareil à la fumée. Les brouches rentrent dans ces châtaigniers troués, frappés par le tonnerre où nichent les hiboux, dans ces chênes qui ont de grosses bosses. Tiens, entends-les crier tout à la fois, c'est terrible. Elles s'en donnent tant qu'elles peuvent maintenant, les maudites, sachant que tantôt elles devront se taire. Fais bien vite le signe de la croix, mon petit, et surtout, surtout, ne va jamais du côté de la Terricole, quand le soleil est couché, tu m'entends? Attends un peu que j'y aille, j'ai bien trop peur, moi. Mais es-tu sûr que c'est vrai tout cela? Monsieur dit que ce sont des histoires, des bêtises inventées par les vieilles femmes pour forcer les garçons et les filles à rester à la maison le soir. Pas vrai, monsieur le régent est bien instruit, bien fin. Je ne dis pas non. Il écrit que c'est pareil à un des saints. Il raconte des choses comme il y en a dans les livres et sur le journal. Mais il ne peut pas nier, je pense, ce que ma pauvre défunte mère a vu de ses propres yeux, ce qu'elle m'a répété bien des fois. Allez-y voir qu'il vous dit, et si vous rencontrez une seule hade ou une seule brouche, je vous donne 100 000 francs. Le farceur! Les a-t-il les 100 000 francs, lui d'abord? Oui, comme moi. Et puis on sait trop ce qui arrive quand on va voir. On est pris immédiatement d'un mal très laid, le mal de Saint-Guy qu'on dit. C'est comme si on avait un esprit dans le corps, qui vous force à faire ce que vous ne voulez pas faire. On devient pareil à un innocent. On tire la langue, on tourne la bouche, on remue la tête, les jambes, les bras. Tu sais, le fils de la Marianne de Béoust, eh bien il l'a eu ce mal. Mais il est guéri parce qu'il a fait le remède. Car heureusement encore, il y a un remède, et facile. Faut avant tout, pour apaiser les esprits, jeter dans le trou avec de l'argent un morceau de l'habit de la malheureuse ou du malheureux qui est possédé. Les riches y mettent des pièces blanches s'ils veulent. Il y en a même qui ont lancé jusqu'à de l'or, paraît, mais c'est très rare. ceux qui n'ont pas de quoi donnent des sous, le plus qu'ils peuvent. Pendant 30 jours de rang, de l'une à l'autre, chaque matin, quand le soleil se lève, il faut aller dire des prières au pied du calvaire qui est planté dans le talus. C'est pour cela qu'il y a toujours des chiffons par terre ou pendus aux branches à la terricole, comme il doit y avoir de l'argent là-dedans, depuis le temps qu'on en apporte. Ah bah, les hades et les brouches ramassent tout, va. Et qu'en font-elles? Je n'en sais rien, mais on pense qu'elles ont un trésor caché quelque part sur la hauteur, tiens, dans le champ de Lacoste, là où la terre sonne quand on y tape dessus avec les sabots. Mais personne n'a osé y aller voir, et ce n'est pas moi qui commencerai, été. Ni moi, et puis ma, raconte ce que l'on les hades et les brouches la nuit de Noël. Ah voilà, cette nuit-là, elles sont bien badinées. Elles ont peur, tu comprends, elles sont comme folles. Dès que descend le noir, elles font leur sabbat plus fort que jamais. Vienne minuit, elles se taisent, les hades disparaissent, les brouches se serrent dans leurs trous. À partir de ce moment, tout le monde peut passer sans danger par la terricole, pour se rendre à la messe ou pour en revenir. Et on ne s'en fait pas faute, cela raccourcit beaucoup. Jamais il n'est rien arrivé à personne. C'est que l'enfant Jésus, tout faible et tout petit qu'il est, vois-tu, Miko, est le vrai roi du monde. Il est plus fort à lui tout seul que toutes les hades, que toutes les brouches, que tous les diables de l'enfer. Oui, eh bien, alors maintenant, raconte-moi son histoire. Mais je ne t'en ai promis qu'une histoire. Faut aller au dodo. Oui, tout de suite. Joseph et Marie, où ils allaient, Marie? J'ai oublié. À Bethléem, donc. Où c'est Bethléem? Près d'ici? Non, très loin. C'est le village où ils étaient nés. Mais ils n'y demeuraient pas. Ils y allaient pour des affaires qu'ils avaient, du blé à vendre ou des bœufs à acheter, peut-être. C'était comme qui dirait un jour de grand marché ou de foire. Dans ces temps-là, on ne connaissait ni le chemin de fer, ni même les courriers, paraît. On allait à pied. Comme nous autres, quand nous descendons à la ville? Oui, il y avait beaucoup de compagnies sur les routes, se rendant aussi à Bethléem. Joseph et Marie marchaient depuis le matin. Marie, la pauvrine, était si fatiguée que ses jambes ne voulaient plus la porter. Enfin, vers le soir, ils arrivent. Toutes les auberges étaient pleines. Pourquoi qu'ils n'allaient pas chez leurs parents? Ils n'en avaient plus, faut croire, ils devaient être morts. Que faire alors? Ils voient la grande maison d'un homme riche. T'es, qu'ils se disent, là il y a de la place, nous ne gênerons guère. Ils frappent et demandent abri pour la nuit, tout juste un coin, n'importe, où pour se coucher et dormir. Mais l'homme riche leur fait réponse par ses domestiques. Où sont vos mulets et vos chevaux qu'on les mène à l'écurie? Nous n'en avons pas. Alors, que venez-vous faire ici? Passez votre chemin. Ma maison n'est pas faite pour des mendiants comme vous. Tout honteux, ils vont chez un hôtelier lui demander logis en payant. Gardez vos sous, qu'il leur crie. On ne reçoit pas ici de mauvais paysans comme vous. Enfin, ils aperçoivent une auberge bien pauvre et de bien mauvaise mine. Ils frappent timidement à la porte. Que voulez-vous? Leur demande le patron, qui avait l'air d'un bandit. Nous voulons nous loger pour la nuit, histoire de nous reposer, après avoir mangé un morceau. Mon auberge est pleine, qu'il dit. Je n'ai pas de place pour vous. Même en payant? Quand vous me donneriez de l'or plein mon béret, ça ne changerait rien. Je n'ai plus de place, que je vous dis. Alors Joseph regarda Marie, qui tombait de fatigue et avait bien envie de pleurer. N'avez-vous pas un grenier avec un peu de foin, une écurie, une étable, n'importe quoi que ma femme puisse s'asseoir et se reposer? L'aubergiste, qui en fin de compte n'était pas un méchant homme, regarda Marie à son tour. Il la vit si pâle, si jeune, la pauvre à peine 15 ou 16 ans et si modeste, si charmante, qu'il eut le cœur crevé de compassion. N'est-il raisonnable aussi de faire marcher les enfants comme cela, et dans cet état encore qu'il leur dit « Eh bien, allons entrer. Nous nous arrangerons tout de même en poussant l'âne et en attachant le bœuf un peu plus loin, vous pourrez vous loger. » Il les fit passer dans l'étable, leur porta une grosse botte de paille, et il dit doucement à la jeune femme « Ma jolie enfant, asseyez-vous. » Et ce fut là que naquit le sauveur du monde. Et que faisaient le bœuf et l'âne, Maï? L'âne regardait avec des yeux doux, et le bœuf ruminait tranquillement. Marie ôta sa mante et en entoura le nouveau-né, son cher mignon si beau, aussi blanc que le lait, qui ne criait pas, comme s'il comprenait déjà tout. Joseph mit de la paille au fond d'une crèche avec un caillou rond pour coussin et y déposa le divin enfant. Et les bergers, Maï? Eh bien, les bergers dormaient chacun auprès de ses moutons dans les étables bien chaudes. Tout à coup, un ange entra auprès de l'un d'eux, et le tirant fort par le bras, le réveilla en disant qu'il venait lui apprendre une grande nouvelle. Le pasteur, qui s'était levé avant le jour, était très fatigué et dormait de tout son cœur. « Laisse-moi tranquille, » qu'il dit en retournant et en bâillant. « Il n'est pas jour encore, je veux dormir. » Et le voilà reparti à ronfler. L'ange le secoue de nouveau. « Matin, » crie le pasteur, « attends un peu que je te fasse courir avec mon bâton. » Mais les anges, c'est patient. Celui-ci lui parle d'un grand bonheur qui vient d'arriver au pauvre monde par un enfant qui est né dans une étable. « Que me chantes-tu là ?» qu'il répond, incrédule. « Le bonheur n'a jamais été le partage des misérables comme moi. Un enfant naissant pourrait-il changer quelque chose à notre sort malheureux ? Pauvres, nous les avons toujours été, pauvres, nous mourrons. Il n'y a qu'à prendre patience. » L'ange lui explique, « Cet enfant, c'est le Fils de Dieu, qui vient non pas pour porter la nourriture du corps, mais celle du cœur pour pardonner les péchés et enseigner le courage à ceux qui souffrent. » Le berger, bien réveillé cette fois, se tire du lit, s'habille, pousse sa porte, il voit le ciel ouvert et des anges qui volent dedans. Une lumière plus claire que celle de la lune quand elle est dans son plein, plus douce que celle du soleil, éclaire les prairies et les bois. Il entend dans les airs des chants divins, sur la route des voix, des bruits de sabots. Certes, oui, il se passe quelque chose de pas ordinaire. Tout le village est réveillé. Les pasteurs se rassemblent sur la place. La nouvelle s'est répandue. L'ange a parlé à plusieurs. Serait-il Dieu possible que cela fût vrai, que le Sauveur du monde vint de naître, et dans une étable encore? Tout tremblant et craintif, il court rejoindre les bergers qui se préparent à aller faire visite à l'enfant Jésus. « Allons, » qu'il dit, « je vais avec vous. Mais que lui porterons-nous, nous autres pauvres ?» se demandent-ils tous ensemble, inquiets. « Ce n'est pas l'usage ici d'arriver chez les gens les mains vides. Et ce que nous aurons, tant pis. » Puisqu'il connaît tout, il saura bien que nous ne pouvons pas faire plus. Moi, dit un qui était bien gêné, rapport à ce qu'il avait beaucoup d'enfants, je lui donnerai un pain de ma dernière fournée. Moi, dit un autre, un jeune agneau de mon troupeau. Moi, un fromage de mes brebis. Moi, du lait fraîchement tiré. Moi, une bourrassette, langue de laine, bien épaisse, faite avec la laine de mes moutons pour le garder du froid. Nicodème, drain, un peu de crème, de crème. Arnautou, escotou, bouilli de maïs à la graisse. Dominique et drap de mique, gâteau de maïs à l'anis qu'on fait pour Noël. Et moi, Maï, que lui aurais-tu porté? Le cœur de mon île haut est le mien. Oui, mais pour faire comme les autres. Eh bien, le sac de froment qui n'est pas encore commencé, ou un beau canard avec une tourte. Continue l'histoire. Mais qui gardera nos bêtes quand nous serons absents? Demande le pauvre pasteur qui avait tant d'enfants. Le bon Dieu veillera sur elle. Et comment trouverons-nous notre route? Celui qui se fie à Dieu ne peut pas s'égarer. Mettons d'abord le chemin sous nos pieds, marchons toujours et nous verrons. Et les voilà partis à travers la glace, la gelée, l'obscurité, car le ciel s'était refermé. Partis pour aller voir le petit enfant Jésus tant aimable et la Vierge Marie adorable. L'un secoue sa clochette, un autre joue du violon, un autre de la trompette, un autre du clairon, un autre de la guitare. C'est un tapage, un combat, comme lorsque c'est la fête de chez nous. Les gens les regardent passer, étonnés. Enfin, ils arrivent à Bethléem, trouvent les choses ainsi que l'ange leur avait dit. Ils étaient tout ébahis, et ils regardaient, la bouche ouverte, ce petit enfant qui dormait comme tous les petits enfants, et qui pourtant un jour devait sauver le monde en mourant sur la croix pour nos péchés. Et les mages maïs. Eh bien, les mages étaient des espèces de rois très riches et très savants, eux et pas des pauvres bergers ignorants. Lors donc qu'ils apprirent que le Sauveur était né, ils voulurent aussi aller le voir et lui porter des présents. Et ils pensaient trouver un enfant couvert de broderies, dans un beau palais. Ils ne savaient pas non plus le chemin. Alors ils virent une étoile qui marchait devant eux. Ils la suivirent, et quand elle s'arrêta sur une maison très laide et très petite, sur une auberge où descendaient les gens les plus misérables, ils crurent s'être trompés. Mais l'étoile ne bougeait pas. Au moins le nouveau-né serait couché dans la plus belle chambre, en un berceau bien garni de plumes d'oie. Mais non, il était dans l'étable, à côté des pauvres bêtes qui travaillent dans une crèche sur du fourrage. Ils furent bien attrapés, tant orgueilleux comme tous les riches. Mais ils l'adorèrent quand même et mirent à ses pieds ce qu'ils avaient apporté, des parfums, de l'or, des bijoux et de l'encens. Tu sais ce que l'on fait brûler à la messe et qui sent si bon. Oui, mais pourquoi l'enfant Jésus n'avait-il pas préféré être dans un grand palais, couché dans un beau berceau, servi par des domestiques, avec des galons dorés comme au château du roi Henri, puisqu'il pouvait choisir? Moi, si j'avais été à sa place, pas si bête, j'aurais fait comme ça. C'était exprès, Miko, pour nous enseigner la patience à nous autres paysans, et pour nous montrer qu'il n'y a pas de honte à n'être pas riche, puisque Dieu lui-même a choisi d'être pareil à nous. Maintenant, dis vite, notre Père et au lit. Et les Noëls, rien qu'un ou deux. Encore? Mais quand dormiras-tu alors? Tout de suite après. Ah, l'enfant gâté, enfant gâté. Allons, chante avec moi, je suis l'ange. Toi, tu seras le pasteur. L'ange, un Dieu nous appelle, levez-vous, pasteur, courez avec zèle vers votre sauveur. Le Dieu du tonnerre promet désormais la fin de la guerre, la paix pour jamais, le pasteur endormi, l'etchem durmi. Dum bringe troubla la cerbelle, l'etchem drumi, tyran d'amain, sec tun kami, n'est pas besoin de sentinelle, ni n'est que a de ta nouvelle, l'etchem drumi, laisse-moi dormir. Ne viens pas me troubler la cervelle, laisse-moi dormir. Tire en avant, suis ton chemin. Je n'ai pas besoin de sentinelle, ni que faire de ta nouvelle. Laisse-moi dormir. Et l'autre baillit, chante-le, toi toute seule, je suis fatiguée, moi. Tu t'endors? Non pas, je t'écoute. Entre le bœuf et l'âne gris, dors, dors, dors le petit-fils. Mille anges divins, mille séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Entre la rose et le souci, dors, dors, dors le petit-fils. Mille anges divins, mille séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Entre les deux bras de Marie, dors, dors, dors le fruit de vie. Mille anges divins, mille séraphins, volent alentour de ce grand Dieu l'amour. Entre de l'aron sur la croix, dors, dors, dors le roi des rois. Mille juifs mutins, cruels assassins, crachent alentour. De ce grand Dieu d'amour, la voix de la mère s'est faite bien douce, comme pour une berceuse. Instinctivement, elle balance son enfant sur son cœur, lui ferme les yeux, ravi. Que de fois il s'est endormi au son de cette lente mélodie, qu'il aime tant. Mais il veut tout entendre ce soir. Il soulève ses paupières alourdies et contemple le cher visage penché sur lui avec tant d'amour. La flamme rouge éclaire les traits délicats et les transfigure. Tiens, c'est curieux, le fichu noir a disparu. Un voile de mousseline, léger comme une nuée d'avril, enveloppe la tête chérie. La robe n'est plus sombre et sévère, elle est de la couleur du ciel. Bientôt tout disparaît. L'enfant s'anéantit dans un sommeil délicieux, sans rêve. Yanoulet, mon Yanoulet, il haut et le pater. Il haut ne répond pas. Tendrement, péniblement, car il pèse beaucoup, la veuve le porte dans son grand lit, que tiédit un gros caillou du gave chauffé sous la cendre. Elle le borde, récite pour lui le pater oublié. Le baise sur le front avec amour. Puis elle couvre le feu, s'enveloppe de son capulet noir, éteint la chandelle, ferme solidement la porte après elle et s'en va dans la nuit épaisse au premier son de la cloche qui en bas appelle les fidèles.